vois, t'es dans quel délire. T'inquiète, je suis cet homme qui peut commettre certains délits. Le sale attire le sale, je m'arrêterai pas tard dans tes yeux, je vois t'es pas dans le déni. Veux-tu connaître le châtiment? Sache qu'on le fera pas gentiment. Après cette nuit, t'auras l'impression que tes relations n'étaient que des échantillons. Aucune envie de connaître ton nom. Ferme tes yeux, je t'emmène dans mon monde. J'ai des envies d'avoir amour. Je veux que tu sois limite, que ça devienne des mondes. Je te demande juste d'éteindre la télé. Je veux que tes voisins entendent le son de ta voix. Je te demande juste d'éteindre la télé. Je veux que tes voisins entendent le son de ta voix. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton cœur finira démoli. T'as tout ce qu'il faut sur la commode, petite coquine. Te laver des, je serai pas commode au fond ta petite coquine. Tout est contracté sur mes parties génitales. Je te donnerai une bonne raison de faire conférence avec toutes tes copines. Je vais t'attacher les mains. Je ne veux pas entendre un mot. Baiser jusqu'à demain, disparaître à midi et demi. Tu seras comme le film au cinéma. J'ai mes secrets, toi tu seras ma Anna. Je veux plonger où c'est haram. La paix dans toutes les pièces comme un hammam. A ta dit de se câliner, ni bisous ni papouille. Mon but est que de tapiner. A ta dit de se câliner, ni bisous ni papouille. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton corps finira dans mon lit. Ton cœur finira démoli. Je vais t'attacher les mains. Je ne veux pas entendre un mot. Baiser jusqu'à demain. Disparaître à midi et demi. Je vais t'attacher les mains. Je ne veux pas entendre un mot. Baiser jusqu'à demain. Disparaître à midi.